Elle a bien mix parti 2018 93 lundi à ça Kiki Amida. Musique à fond dans la gaube. J'paroute sur Panama avec ma dope. Ouais. Quand il pleut, tout le monde se mouille. J'veux être mignon quand il fait pas beau. J'étais à l'aise, faut que j'aille faire des loves. Elle me dit que j'suis un vrai salaud. J'fais jamais 225. J'suis avec mes gars sur de PKO. Ils viennent de péter le boss du four. Mais ça vend toujours, y'a les keufs qui tournent. Lâche pas ta merde où tu traînes. Ce soir, on sort dans le club, on nique tout. J'me pose des questions. Le secteur est miné. Au cas où y'a Heja, on vise pas dans les mollets. J'vois que tu stresses, j'vois que tu stresses. Pourtant y'a R, j'fais le tour de la ville. Je refourgue mes affaires. Ils viennent de péter le boss du four. Mais ça vend toujours, y'a les keufs qui tournent. Lâche pas ta merde où tu traînes. Ce soir on sort en club, on nique tout. J'me pose des questions. Sans pression, on sent bien dans le carré. Sans pression, ce soir je rentre avec elle. Sans pression, sans pression, sans pression. Je me pose des questions. Le secteur est miné, je vois que tu stresses. J'ai l'impression, ça te plaît de voir qu'on fait des faisceaux dans le check-son.